Alors, Monique, c'est pour quand? Normalement, il devrait arriver vers la fin décembre. Alors, ce sera un Capricorne. En tout cas, ce sera certainement un gros bébé. Qui n'a eu l'occasion d'entendre ce genre de conversation entre une jeune femme qui se prépare à avoir un enfant et une de ses relations compatissantes? Parfois, cet heureux événement peut comporter des péripéties imprévues. Nous sommes dans les années 50 et Dorothy Gernoud est un peu nerveuse. Elle attend son premier enfant. Dorothy et son mari Norbert vivent à la campagne. Ils ont tous les deux prévu que leur enfant naîtrait chez eux. D'ailleurs, le docteur Cassinave, leur voisin, est là pour veiller au grain, ainsi que Marguerite Véran, la sage-femme du village. Ma chère petite madame, je suis non seulement médecin, mais aussi un petit peu voyant. Et je peux vous prédire que votre garçon, ça sera un garçon, ça j'en suis sûr, il va naître le 24 décembre exactement. Ah, alors si c'est vous qui le dites, vous avez en effet une jolie réputation dans le domaine des prévisions extraordinaires. Seriez-vous pas un petit peu sorcier en plus de médecin? Bon, je ne sais pas. Un don de famille peut-être. Cela m'amuserait de mettre votre don en défaut. J'aimerais beaucoup que mon fils naisse avant Noël. Oh, ce sera si triste pour lui d'avoir deux fêtes en une seule journée. Ah, il faudra qu'il s'y fasse, hein. Tenez, je vous parie mes visites. Si votre fils ne naît pas le 24 décembre, tous mes soins seront gratuits pour vous. Et moi, s'il voit le jour à la date que vous prévoyez, je vous offrirai une caisse de Saint-Émilion dont vous garderez le souvenir. Le 24 au matin, Norbert Gernoud avertit le docteur Cassinave que les premières douleurs se font sentir. Le docteur répond, je le savais, je passe chercher Madame Véran et nous arrivons chez vous. Mais il faudra attendre le 11e coup de minuit pour que le jeune Hector Gernoud arrive dans ce bas monde. À peine remise, Dorothy Gernoud, le front encore brillant de sueur, dit au docteur Cassinave, tenez, je savais que vous aviez raison. Hector est bien né le 24 décembre, bien regardé dans l'armoire normande, votre caisse de Saint-Émilion vous attend. Et maintenant, je crois que je vais dormir un peu. Ça a été une rude journée, en tout cas, pour moi. Je vais vous faire une petite piqûre qui va vous aider à récupérer. Et Dorothy, aussitôt l'injection administrée, s'endort presque instantanément. Le docteur Cassinave décide de rester quelques instants à son chevet. Madame Véran quitte la chambre. Le nouveau-né est dans un berceau, déjà très occupé par son premier rêve sur Terre. À peine Madame Véran a-t-elle quitté la chambre que la porte s'ouvre à nouveau. Le docteur Cassinave tourne la tête et aperçoit une femme inconnue qui entre en prenant soin de ne pas faire craquer le plancher. Elle porte un tailleur en tweed dans les verres, une tenue classique et élégante. Elle claudique légèrement. Sa chevelure d'un roux flamboyant resplendit dans la pénombre illuminée par le feu qui brûle dans la cheminée. Elle demande « Tout s'est bien passé? Est-ce que l'enfant est en bonne santé? Pas de problème? Pas de malformation? Regardez-vous-même. C'est un des plus beaux bébés que j'ai jamais mis au monde. Un beau petit gars bien charpenté, à la fois tout le portrait de son père et de sa mère. » La visiteuse se penche sur le berceau et sourit avec une pointe de mélancolie. Puis, elle s'approche du lit de Dorothy Gernoud et dépose un baiser léger sur le front de la nouvelle maman. Le docteur Cassinave l'entend murmurer quelque chose à l'oreille de la jeune femme qui dort profondément. Enfin, elle fait un dernier sourire au docteur Cassinave et sort de la pièce. Le lendemain, le docteur Cassinave revient faire une visite de contrôle à la jeune accouchée. Elle est dans son lit. Le jeune Hector entre les bras et accueille le médecin avec joie. Ah, je suis si heureuse que tout soit bien passé. À présent, je me sens d'attaque pour donner à Norbert les 5 enfants que nous désirons. 5 ? Oh, bravo, chère madame. J'en ai encore du pain sur la planche. Et nous verrons bien si vous arrivez encore à pronostiquer les dates d'arrivée des suivants avec autant de certitude que pour Hector. Ah, docteur, je me sens bien. Et puis, il faut que je vous dise, cette nuit, j'ai fait un rêve. Oui. J'ai rêvé que ma chère maman venait me rendre visite et qu'elle déposait un baiser sur mon front. Elle me disait « Bravo ma chérie, je suis si heureuse que tout soit bien passé. » Dorothy Gernoud ferme les yeux et se laisse retomber sur son oreiller. C'est pourquoi elle ne prête pas vraiment attention à ce que lui répond le médecin. « Mais ma chère enfant, ce n'était pas un rêve. Je n'ai jamais rencontré votre mère et j'ignorais même qu'elle soit chez vous en ce moment. » Hier soir, dès que je vous ai administré la piqûre calmante, une dame est effectivement entrée dans la chambre et m'a demandé comment cela s'était passé. D'après son âge, ce devait être votre maman. Vous dormiez profondément et elle vous a embrassé sur le front en murmurant quelque chose que je n'ai pas saisi. Madame Véran est entrée sur les entrefaites. Elle entend ce que dit le docteur Cassinave et proteste hautement. Qu'est-ce que c'est que cette histoire, docteur? Vous devriez savoir qu'il n'y a personne dans la maison à part monsieur et madame Guérinoud, vous, moi et Hector. Dorothée Guérinoud ne comprend pas très bien de quoi le docteur et la sage-femme sont en train de parler. Elle a du sommeil à rattraper. Le lendemain, le docteur Cassinave revient pour prendre des nouvelles d'Hector et de sa maman. Norbert Guérinoud l'invite à venir fêter cette heureuse naissance en buvant un verre. Tenez, j'ai un cognac de 1925 dont vous me direz des nouvelles. Je me réservais de l'ouvrir pour la naissance de mon premier fils. Il est bien normal que vous soyez le premier à en goûter la saveur. En pénétrant dans le salon, le médecin remarque un cadre argenté sur la commode. Il demande « Qui est cette personne ?»« C'est ma belle-mère. Enfin, je dois dire, c'était ma belle-mère. Une femme adorable. Mais elle a été tuée il y a 10 ans dans un accident de chemin de fer. » Le docteur examine la photo en noir et blanc. La femme porte un tailleur en tweed, une tenue de sport élégante et campagnarde. Est-ce que votre belle-mère était rousse? Absolument. Elle possédait des cheveux magnifiques d'un blond vénitien qui lui venait de ses origines italiennes. Votre belle-mère? Est-ce qu'elle boitait un peu? Ah oui! Et souvent, elle s'appuyait sur une canne, sauf en présence d'un étranger. Enfin, pourquoi ces questions? Est-ce que vous auriez connu ma belle-mère? Cela me semble improbable. Elle n'est jamais venue chez nous depuis que nous sommes installés ici. Le docteur Cassina vide son verre d'un seul trait. Il hésite un petit peu et puis il dit « Non, j'ai dû la rencontrer ailleurs. » 2 ans plus tard, Dorothée Guérinoud et le docteur Cassinave découvrent ensemble la nouvelle naissance à venir. Alors, docteur, je compte sur vous pour me prédire la date exacte de l'événement, hein? Et mon pari tient toujours. Vos soins gratuits, si vous vous trompez, et une nouvelle caisse de Bordeaux si mon nouvel enfant arrive à l'heure prévue. Marché conclu. La nouvelle héritière, car ce sera certainement une fille, débarquera chez vous le 17 octobre très exactement. Et puis, si vous le voulez bien, j'aimerais bien une caisse de Bourgogne cette fois-ci. Dorothée éclate de rire en entendant les exigences de ce diable de docteur Cassinave. Comme pour la première fois, les mêmes personnages rejouent la même pièce, Madame Véran, la sage-femme experte et flegmatique, le docteur Cassinave et Norbert Guérinoud, qui cache sa nervosité en fumant cigarette sur cigarette dans le salon du rez-de-chaussée. Comme pour la naissance d'Hector, la naissance d'Anaïs se passe fort bien. Et comme pour la naissance d'Hector, une fois les choses en ordre, le bébé est installé dans son berceau douillet. Norbert Guérinoud, enfin rassuré, est venu embrasser son épouse, puis il est parti pour se coucher, plus épuisé que la maman. Le docteur Cassinave s'installe dans un fauteuil près du lit de Dorothée. Il a complètement oublié l'incident étrange, survenu le 24 décembre au soir, 2 ans plus tôt. Et soudain, un peu effaré, il voit la porte de la chambre qui s'ouvre. À nouveau, la dame rousse et boiteuse entre dans la chambre. Elle porte le même tailleur en tweed qu'elle portait 2 ans plus tôt, la même tenue qu'elle porte sur la photo du salon. La visiteuse regarde le docteur Cassinave qui sent une transpiration glacée lui couler le long de la colonne vertébrale. La visiteuse demande « Tout s'est bien passé? Est-ce que l'enfant est en bonne santé? Pas de problème? Pas de malformation ?» Le docteur Cassinave reconnaît les mêmes mots, les mêmes intonations qu'il a entendues 2 ans auparavant quand la dame est venue s'informer de la santé d'Hector. Et automatiquement, il répond en utilisant les mêmes termes. « Regardez vous-même. » C'est un des plus beaux bébés que j'ai jamais mis au monde, une belle petite fille bien charpentée, à la fois tout le portrait de son père et de sa mère. À nouveau, l'apparition se penche sur Dorothée Guérinoud. À nouveau, elle murmure des paroles inaudibles, puis elle ressort de la chambre. Le lendemain, le médecin se précipite chez les Guérinoud dès que possible. C'est un dimanche. Et Norbert Guérinoud lui ouvre. Comment se porte votre épouse? Et la petite Anaïs? Sans attendre la réponse, il explique. Il faut que je vous dise. Vous vous souvenez, il y a 2 ans, je me suis intéressé à votre belle-mère. Vous m'avez dit qu'elle était morte depuis une dizaine d'années dans un accident. Eh bien, le docteur Cassinave raconte alors les 2 visites fantomatiques. Quand Norbert Guérinoud entend la question que le fantôme de sa belle-mère pose, tout s'est bien passé, est-ce que l'enfant est en bonne santé, pas de problème, pas de malformation? Il explique. Ma belle-mère, avant de donner le jour à ma femme, avait eu deux enfants qui sont morts en bas âge, tous les deux victimes de malformations cardiaques. Elle n'avait jamais pu s'en consoler. Lors de la troisième naissance chez les Guérenoud, celle d'un petit garçon prénommé Gabriel, belle-maman ne vient pas aux nouvelles. Et le bambin meurt au bout de 3 mois, lui aussi victime de la malformation cardiaque qui désespérait sa grand-mère. Pour la quatrième et la cinquième naissance, le docteur Kassinev n'était plus là pour lui répondre.